c'est le jeudi sur RTL, entre 9h30 et 11h. Le jeudi sur RTL, le principe est simple, vous appelez à 9h du matin pétante et les minutes qui suivent et vous passez directement sur l'antenne. Nous travaillons sans filet, nous vous écoutons, nous tentons de comprendre et nous appelons pour régler les cas. Un exemple précis, Olivier, vous ne le connaissez pas mais lui vous connaît. Olivier, bonjour. Bonjour Julien. Olivier, vous nous appelez d'où ? De Montpellier. Dans quelques instants, Olivier va vous expliquer qu'il a eu, lors d'un déplacement à Paris, il a pris possession d'une chambre d'hôtel, il a déposé la valise dans la chambre, il est parti dîner, et au retour, qu'avez-vous trouvé dans la chambre, Olivier ? Mes affaires sans dessus dessous, et plus rien concernant mon ordinateur et tous mes effets qui avaient quelques valeurs. La valise a été ouverte. On a fouillé, on a volé. Est-ce que la porte était fermée à clé ? Alors c'est une porte qui se claque, il faut une clé électronique pour ouvrir la porte. Exactement, donc il y a forcément quelqu'un qui avait la carte, qui vous a pisté et qui est rentré et qui a essayé de piquer les affaires et qui a réussi d'ailleurs. On en parle dans seconde, Olivier, le temps de vous présenter l'équipe de la porte ouverte, la Divina est là. Maître Felloneau dans toute sa splendeur. Bonjour, bonjour Nathalie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous êtes belle. Ouais. Il y a les deux négociateurs, Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Bonjour Julien. Alors c'est parti mesdames et messieurs, l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h vous ouvre grand ses bras. Et vous remercie de votre fidélité. Vous le savez, c'est l'année des cadeaux pour vous remercier d'avoir fait du 9h30 11h l'émission la plus écoutée de France avec 1 400 000 personnes à chaque instant, soit quasiment le double de tous les concurrents. J'offre ce matin encore un MacBook Pro 13 pouces, 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et après, vous tapez 1 ou 2. Voici la question. Comme chaque année, le 29 septembre est la journée mondiale. 1 du foie, 2 du cœur. C'est bien sûr du cœur. 3210, touche numéro 2 et encore 2 et ensuite RTL au 74-900. Un MacBook Pro 13 pouces, il est fantastique, il est à vous, il vaut 1 300 €. Je reviens donc à Olivier qui prend une chambre d'hôtel, il laisse sa valise sur le lit et il descend dîner. Il remonte, il trouve la valise ouverte, il trouve les affaires dans tous les sens. Il manque quoi ? L'ordinateur, Olivier ? Oh, il n'y a pas que ça. Il manque l'ordinateur, les chargeurs pour mon iPhone, ma paire de lunettes de vue, mon iPod qui me permettait d'écouter la musique, puis bien entendu, ben, les écouteurs qui vont bien avec, et puis un stylo, et puis une bouteille de parfum, parce que le parfum, a priori, ça devait leur plaire, même si c'était entamé, largement. Puis-je vous demander quel était ce parfum, Olivier ? Ah oui, Terre d'Hermès. Terre d'Hermès, celle des hommes comme Bernard Sabat, figurez-vous. Olivier, il a tourné. Hein, vous avez immédiatement été voir, je suppose, la réception, tout de suite, sans rien toucher. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils montent, ils vérifient, ils vous disent quoi ? Ah non, ils m'ont dit, bah, écoutez, nous on peut rien faire. La seule chose, c'est que vous inquiétez pas, tout est enregistré. Il y a un système de caméra qui voit tout ce qui s'est passé. Moi, je peux rien faire, je peux pas quitter mon poste. Mais je vous propose d'aller à la police. Bon, bah, je vais à la police. Le problème, c'est que la police, à partir de 10h du soir, les bureaux sont fermés. Donc vous allez au bistrot ? Je plaisante, non. Oh là là, non mais c'est là, pour essayer de trouver quelqu'un peut-être. Et donc, j'avais pas l'humeur. Bon, et ensuite ? Et ben ensuite, ben j'ai essayé de dormir, sachant que comme le lendemain j'avais un rendez-vous professionnel, et ben ça me triturait bien l'esprit. Mais bon, à 8h le matin, j'étais à la police, j'ai déposé plainte. Oui. Donc procès verbal avec un gardien de la paix qui m'a reçu, qui m'a demandé l'étendue de tous mes dégâts. Olivier, on va pas rentrer dans les détails, donc vous avez tout déposé. Aujourd'hui, que vous dit l'hôtelier ? Alors, l'hôtelier me dit, écoutez monsieur, c'est dommage. Bon, nous on envoie à notre assureur qui va... Et les caméras ? Alors, les caméras, le directeur, très aimablement, m'a dit « Je réserve tout ça pour la police. » Et puis, j'espère qu'ils vont arriver rapidement, puisque dans la discussion, on semblait que c'était peut-être un client de l'hôtel qui avait pénétré dans ma chambre et puis dérobé mes objets. D'accord. Bon, là, aujourd'hui, en est là. Vous n'avez aucune nouvelle. Alors, la seule nouvelle que j'ai, c'est que l'assurance m'a renvoyé avec... puisque j'ai insisté... une information disant que le site relève d'un statut de résidence et que de ce fait, je suis débouté parce que

Il n'est pas là, mais je peux répondre. Alors, d'accord, avec plaisir. Donc, je me présente une nouvelle fois, Julien Courbet, en direct sur la radio RTL. Olivier Nicolas est venu chez vous en tant que client. Il a déposé sa valise sur son lit, il est descendu dîner. Et lorsqu'il est rentré, la valise était ouverte. Tous ses effets avaient été dispersés dans la chambre. Il manquait l'ordinateur, l'iPad, un stylo, une paire de lunettes. Et aujourd'hui, voilà, on lui dit, bah, écoutez, c'est comme ça. Et ça nous paraît assez bizarre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait avoir la version de l'hôtel. D'accord, et ben. C'est François Baudry. Oui. Voilà. Vous ne pouvez lui envoyer un petit texto? Oui, bien sûr, je vais lui envoyer. Alors, un petit texto avec le numéro du studio que je vais vous donner. Et est-ce que vous êtes quoi? Comment s'appelle l'hôtel? C'est le. L'Adagio City. Tout à fait. Mais est-ce que ça fait partie d'un groupe? Je ne sais pas, je me renseignerai. Vous ne savez pas? Non. Bon, écoutez, on va vérifier alors. Merci beaucoup. Donc si Monsieur Baudry, vous pouvez lui envoyer très vite un texto, ça m'arrangerait. D'accord. Je vous passe quelqu'un qui va vous donner le numéro. Oui. Alors, on essaie de me chercher Charlotte, s'il vous plaît. Peut-être le groupe Adagio City. Adagio me semble être une chaîne d'hôtels. Hervé, il faudrait demander à Hervé Pouchol. J'ai dit pourquoi Hervé? Parce que Bernard est le spécialiste voyage, mais Hervé connaît tous les hôtels pour les avoir fréquentés. Alors ça dépend. Si vous avez de la chance et que vous êtes une fille qui lui plaît, vous tombez sur un 4 étoiles. Ouais. Si il espère beaucoup moins dans la relation sur le long terme, ça se transforme très vite en un hôtel minable. Et l'Adagio, ça vous parle? Absolument pas. Bon, voilà. Alors, Adagio City qui se trouve à Courbevoie. Nous essayons d'avoir le siège et je les appelle juste après. Donc, Olivier, vous savez que comment ça se passe? On démarre à 9h30 et c'est souvent entre 10h30 et 11h qu'on arrive à voir tout le monde. Donc, restez proche du téléphone. Vous avez bien toutes vos factures, Olivier? Ah oui. Eh ben parfait. On va avoir quelqu'un, soit le directeur François Baudry, soit le siège d'Adagio pour avancer dans votre dossier. Rappelez-vous ce que vous a dit Maître Fellono, la règle d'or auquel on va en rajouter une deuxième. La règle d'or sur RTL. Combien de fois le prix du montant de la chambre en cas de vol? 100. Et si c'est sur le parking? 50. Ah, ça vous cloue ça, je suis sûr que personne ne le savait. 100 fois le prix de la chambre si on vous vole dans la chambre, 50 fois si c'est sur le parking. Je vous annonce également que tout à l'heure, aux alentours de 11h-20, je vous donnerai des nouvelles de notre ami à qui on avait coupé l'électricité, à qui on a coupé le gaz, on s'est battu, on a réussi à voir le ministère. La mairie nous a envoyé un courrier ce matin que nous vous lirons tout à l'heure. Et puis il y aura un deuxième cas, puisque vous appelez, là, c'est le 32-10, hein, c'est la journée porte ouverte, donc tout le monde peut appeler et passer directement sur l'antenne. On aura Brice qui va nous parler d'un aplatisseur à céréales. Alors là, il me tarde de l'avoir, mais qui a quand même coûté la modique somme de 2303 euros. Oui, Hervé? Oui, une information concernant le groupe Adagio fait partie du groupe Pierre et Vacances, et Bernard vient de me le confirmer, donc on va appeler la direction. Donc, c'est votre boulot, vous êtes spécialiste voyage, Bernard, vous me trouvez peut-être quelqu'un chez Pierre et Vacances. Concernant l'aplatisseur de céréales, je suis votre homme. Alors, c'est parti, c'est vous qui allez vous en occuper, ça va se passer. Après avoir écouté ceci, vous êtes sur RTL, et voici Coldplay, les grands Coldplay, avec ce titre-là, Hymn for the Weekend sur RTL.

Ils attendent les pièces et puis ça fait une balade. Quoi. D'où ma question à Maître Fellonneau. Effectivement, on peut comprendre qu'il puisse y avoir un délai pour qu'une pièce arrive, mais à partir de quand le délai ne devient plus raisonnable, surtout quand il s'agit d'un professionnel qui nourrit ses vaches? Ouais, effectivement, on est dans le cadre de l'obligation de résultat, Julien, qui est une obligation de résultat de réparer. Il faut qu'il répare dans un délai raisonnable. Ça, c'est même pas fixé le délai. C'est la loi qui vous dit que toutes les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, c'est-à-dire effectivement dans des délais qui soient tenable. Là, depuis le mois d'avril, il n'arrive pas à avoir les pièces. Je pense quand même qu'il a été suffisamment patient et que ce professionnel doit faire quelque chose, c'est-à-dire, ben, s'il n'est pas capable de réparer, eh ben, qu'il en donne une autre ou qu'il en prête une autre. Sarah, faites-moi s'il vous plaît le numéro de cette société et qu'on explique à ce monsieur, qu'effectivement, comme l'a dit Maître Fellonneau, que cette conversation est susceptible d'être enregistrée dans le cadre de l'amélioration de nos services. Améliorez vos services et enregistrez-nous. Nous sommes pour l'amélioration des services. Hervé Pouchol le fait aussi, Brice, je vous le dis. Quand une fille appelle, il y a toujours un message avant qu'il réponde. Dans le cadre de l'amélioration de mes services, cet appel risque d'être enregistré. J'ai enlevé les touches. Bien sûr. Un, deux, trois, oui. C'était trop compliqué. Bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un va répondre? C'est une grande société. Ils sont ouverts, normalement, le jeudi, à 9h53. Un autre numéro, Julien. Ah, on va laisser un petit peu... Laissons une chance à celui-ci. Bonjour Jean-Christophe, oui. À votre service. Bonjour Jean-Christophe, à mon service. C'est Julien Courbet à l'appareil. J'espère que je ne vous dérange pas. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec un de vos clients, Brice Pillman, qui a acheté un aplatisseur à céréales qui serait chez vous depuis mars en maintenance ou en service après-vente. Et le pauvre, bah, il peut pas s'en servir. Donc, puisqu'il est chez vous, il n'a pas trop de nouvelles. Je peux vous donner des références, si vous voulez. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie. Et là, nous rentrons en configuration. Ça tombe bien, vous qui êtes agriculteur, Brice, nous rentrons dans la configuration patate chaude. Quand il y a un blanc, lorsque je me suis présenté, et que après ce blanc, on entend... Ne quittez pas, je reviens. C'est que ce monsieur va poser son combiné, comme ceci. Se tourner. Je le fais, vous ne me voyez pas. Peut-être ceux qui sont sur le net me voient me tourner. Gardez son calme. Encore quelques instants. Là, le calme est en train de se dissiper. Il se tourne et il trouve quelqu'un en face de lui. Et c'est à lui qu'il va s'adresser. Oh putain, il a Courbet au téléphone ! Et là, voilà. Et donc, après, l'autre personne prendra la décision de venir ou non. Mais c'est comme ça que ça se passe en général. Ça devrait être filmé, d'ailleurs. Est-ce qu'il est là, le monsieur ? Comment s'appelle la société, d'ailleurs ? Non ! Bah, c'est... Non. Non, ne me dites pas que ça a raccroché. Bon, on va recommencer. Nous rappelons que cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Pouvez-vous donner le nom de celui chez qui vous avez acheté la machine, s'il vous plaît? C'est la société Baiser. Baiser. Environnement. Baiser Environnement. On dit Baiser, on dit peut-être Baiser. Oui, Baiser Environnement. Oui. Alors, oui, monsieur... Jean-Pierre Lustig, Baiser Environnement, bonjour. Ça a raccroché, monsieur. Julien Courbet en direct sur RTL. Je viens d'appeler. De la part, j'ai en ligne monsieur Brice Pillman, qui est un de vos clients. Bonjour. Voilà, qui vous dit bonjour. Il a acheté chez vous, le 21 octobre 2015, un aplatisseur à céréales qui est chez vous depuis mars. Ouais. Et ça a raccroché chez Baiser Environnement. Oh là là. Eh bien, écoutez, nous vous rappelons, je vais finir par croire que la société porte bien son nom, parce que, hop, on rappelle. Troisième appel, Jean-Pierre. C'est la première fois que on baisait trois fois d'affilée. Allô? En aussi peu de temps. Ah ben, c'est quand même le cas. Bonjour Isabelle, à votre écoute. Bonjour Isabelle, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Ce n'est pas une blague, je vous mets un petit jingle. Je suis avec Maître Fellonneau. Bonjour madame. Je vous appelle car j'ai un de vos clients, Brice Pillman, qui a acheté le 21 octobre 2015. Je peux vous donner le code client 7700655. Un aplatisseur à céréales qui est en service après-vente chez vous depuis mars. Il ne peut pas s'en servir, il n'a pas de nouvelles, il trouve le temps un peu long. Donc on s'est dit, on va appeler Baiser Environnement pour savoir si, ce qui se passe. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Baiser ou Baiser? On se posait la question. Baiser. Oh, oui, on a l'esprit mal tourné. Excusez-nous, madame. Ah non, c'est une conjugaison différente. Baiser Environnement. Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie. Sachez, madame, que juste avant vous, deux personnes nous ont raccroché au nez. Si vous pouviez être celle qui ne raccroche pas, ça serait fantastique. Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, je pense, à mon avis, hein, Brice, il pense que c'est une blague. Alors, ils vont peut-être avoir quelques coups de fil. Ah, une alerte sur... Oui, Bernard. Olivier, le cas d'Adagio, le vol dans la chambre d'hôtel, vous vous rappelez? Oui. J'ai eu la direction commercial et communication du groupe qui fait partie de Pierre et Vacances. Il nous en promet une réponse à 10h30, Julien. Parfait. Les infos vont arriver. On fait un petit point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Vous venez de l'entendre. Olivier nous a raconté qu'il est allé prendre une chambre d'hôtel. La valise a été ouverte pendant qu'il dînait. Beaucoup de choses ont été piquées. Aucun remboursement. Rien. Nous aurons du nouveau dans quelques instants. Bernard Sabat vient de nous le dire. Oui. Brice a dépensé 2 303 € pour un aplatisseur à céréales qui est en réparation depuis mars. Il ne peut pas nourrir ses vaches. Alors, il a bien trouvé une autre solution, évidemment, mais plus avec cet appareil. Et chez Beyser Environnement, on en est au troisième raccrochage. On espère qu'on va avoir plus de chance avec la dame qu'on vient d'avoir. Un nouveau cas arrive. 3210, notez bien ce numéro. 3210, touche numéro 2, puis encore numéro 2. Et vous gagnez peut-être un MacBook Pro ou alors SMS RTL au 74 900. Bailey, vous vous rappelez, c'était dans l'émission de Farrugia sur Comédie. C'était, comment il s'appelait, Jonathan Lambert, qui, à chaque fois qu'il y avait un invité, se précipitait sur lui avec la langue là et de la bave. Il était tenu par un fil et il faisait Bailey. Et là, voilà, c'est justement le nom de la boîte que nous appelons. A tout de suite. Les pouvoirs publics ont développé un réseau de conseillers rénovation infoservice partout en France. On en parle avec Karine Nicolas, conseillère rénovation infoservice en Île-de-France. Bonjour Karine. Bonjour. Alors c'est quoi exactement ce service ? En fait, c'est un service gratuit, neutre et indépendant qui permet aux particuliers de faire le point avec des experts sur les travaux de rénovation énergétique à engager, sur les professionnels qualifiés, le choix des équipements et les aides financières. Des travaux qui sont généralement assez coûteux. Oui, et ça permet d'améliorer son confort, de faire baisser la facture d'énergie ou simplement d'augmenter la valeur de son bien. Et concrètement, qu'apporte le conseiller ? Alors, une aide technique pour bien choisir son équipement, juridique pour savoir qui paye les travaux, le locataire ou le propriétaire, et puis financière, puisque l'État et les collectivités proposent des aides pour les particuliers. Il suffit d'aller directement sur notre site internet. Bah, c'est noté. Merci Karine Nicolas. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou au 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Qu'est-ce que le bonheur ? L'univers a-t-il un commencement ? Juillet ou août ? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 €. Avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face ? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Écarquille tes esgourdes, mecton. Renault est de retour. Le troubadour débarque en bande dessinée. Pour l'occasion, c'est gratiné. 25 balades retapées par les plus grands blasts de la BD. Crapahuète dans l'univers à Renault. À coup de crayon, retapissez les célèbres charognards en bifurquant par Manhattan Kaboul. Si tu cherches une Bible, laisse béton. La bande à Renault, aux éditions Delcourt. Tatatin. Nous aussi, on peut continuer les cas dans quelques instants sur RTL. Merci d'être avec nous. Deux cas en suspens, un troisième arrive. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Marie Guerrier, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Un commandant de police vient d'être condamné à 2 mois de prison avec sursis à Caen. Il avait frappé un manifestant dans un défilé contre la loi travail. L'officier de police judiciaire a reconnu les faits, il a plaidé coupable et n'a pas eu besoin de comparaître au tribunal, nous indique Julien Caillard en Normandie pour RTL. La condamnation à 2 mois de prison avec sursis ne sera pas inscrite au casier judiciaire du policier qui pourra garder son poste. Des surveillants de prison ont bloqué plusieurs établissements pénitentiaires ce matin. Ils dénoncent la dégradation constante de la sécurité et demandent davantage d'effectifs. À Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, il y avait une centaine d'agents mobilisés aux premières heures de la journée. Dans les Yvelines, à Bois-d'Arcy, les gardiens ont mis le feu à des palettes et des pneus devant la prison. Au centre pénitentiaire de Fresnes, les surveillants passeront à l'action, eux, ce soir. Blocage à partir de 18h30. Les retraités dans la rue aujourd'hui, des manifestations dans toute la France pour se plaindre du gel des pensions et de la baisse du pouvoir d'achat. Le gouvernement ne prévoit pas de revaloriser les retraites. Le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert, le redit ce matin. Il explique, les retraites sont indexées sur l'inflation et aujourd'hui l'inflation est faible, voire nulle. Donc, revaloriser les retraites serait une dépense extraordinairement importante, dit-il. Les Israéliens se recueillent sur la dépouille de Shimon Peres. Le cercueil de l'ancien président et premier ministre est recouvert du drapeau bleu et blanc frappé de la croix de David. Il a été solennellement déposé sur le parvis de la Knesset, le Parlement, à Jérusalem. La ville de Jérusalem est en état de siège. 7000 policiers mobilisés pour assurer la sécurité aujourd'hui et aussi demain pour les obsèques de Shimon Peres. Des dizaines de dirigeants du monde entier sont attendus. Israël n'a pas connu de tels événements depuis les funérailles en 95 d'Itzhak Rabin, le premier ministre assassiné qui avait partagé le prix Nobel de la paix avec Shimon Peres et le leader palestinien Yasser Arafat. Les pays de l'OPEP, les producteurs de pétrole, sont parvenus à la surprise générale à un accord historique pour réduire leur production d'or noir, ce qui devrait faire remonter les cours du pétrole. Et cette nouvelle dope ce matin les places boursières. La Bourse de Paris a ouvert en nette hausse, plus 1,31%. Et cette tendance à la hausse persiste à l'heure qu'il est. Le CAC 40 est passé au-dessus de la barre des 4500 points. La météo sur les trois quarts du pays, ce sera une journée ensoleillée et douce. Alors l'exception, c'est un petit quart nord-ouest de la France où vous aurez aujourd'hui un ciel couvert, quelques averses et du vent. Pour les températures, on attend cet après-midi 18 à Brest, 19 degrés à Cherbourg, 21 à Lille, 24 à Paris, 26 à Nancy et Dijon, 27 à Marseille, 28 à Lyon, 29 à Bordeaux et 30 degrés à Toulouse. Les courses ont lieu à Compiègne. Les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 7, le 14, le 10, le 8, le 16, le 6, l'As et le 11. La dernière minute de Bernard, c'est l'As Bohemian Rhapsody. Il est 10h03, vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Merci beaucoup et d'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Le jeudi, c'est porte ouverte, vous le savez. La spéciale Portes Ouvertes, c'est le jeudi sur RTL, entre 9h30 et 11h. Vous appelez en direct, vous passez directement, sans filet, on travaille comme ça, comme des funambules, et nous sommes sur le cas donc de notre ami qui nous a appelé pour nous dire qu'il avait pour ses vaches acheté un concasseur de céréales qui serait en service après-vente depuis le mois de mars, ce qui est quand même fou. Donc lui aujourd'hui, il se dit, ben, j'aimerais bien qu'on m'en prête, qu'on m'en donne, qu'on me rembourse, mais il me faut quelque chose, et assez rapidement. Nous avons appelé Beyser Environnement à deux reprises, on nous a raccroché au nez, mais je ne leur en veux pas, je pense qu'ils étaient persuadés que c'était une blague. La troisième personne semble nous avoir pris un petit peu plus au sérieux, et elle est en ligne avec vous, Hervé, depuis maintenant combien de temps ? 8 minutes 39, mais ça sonne chez Beyser Environnement, le numéro 1 de la citerne et le stockage de vos produits, et hop, je suis repassé sur le répondeur, donc j'interviendrai un petit peu plus tard. Ah, c'est-à-dire que là, vous êtes toujours avec... Ben, mettez-nous toujours à l'antenne ce que vous avez. Faisons vivre aux auditeurs ce que nous vivons au quotidien. C'est votre stylo. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet bezer.fr pour découvrir tous nos produits. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Bon, il cherche un interlocuteur. Essayez de trouver peut-être le directeur, le grand directeur de Bezer. Et ce serait monsieur Michael... Non, Bernard, c'est ça ? Bernard Kirin. Pardon ? Bernard Kirin. Bernard Kirin, non, ça ne veut dire rien du tout. J'ai Michael, moi. Est-ce que vous savez, Brice ? Michael Kirin. Michael Kirin, bah c'est lui qu'il faut avoir. Voilà, on a un numéro, on l'a essayé, hein, son numéro, mais il ne répondait pas. Apparemment, on me fait signe, il y aurait peut-être quelque chose, Hervé Pouchol. Eh bien, écoutez, nous allons appeler le directeur général. Bah, je veux qu'on va l'appeler, c'est parti. Je veux, mon neveu. C'est parti. Allez, on y va. On va appeler le directeur, peut-être directement, sur son numéro. Ah, c'est Michael Kirin. D'accord, ce que vous nous venez de dire à l'instant, ça me fois... Que... Non, vous avez raison. Il y avait également le président. Ne peut pas nuire. Il y avait le président. On est sept dans le studio, il y a sept émissions. Chacun fait la sienne et intervient quand il le veut. C'est-à-dire que c'est quand même la seule radio. Alors on va lui laisser un message. Bonjour, vous êtes sur le portable de Michael Kirin. Je suis momentanément absent. Merci de me laisser un message et je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci. De rien. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Monsieur Kirin, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Nous essayons d'appeler la société Beyser concernant le cas de Brice Pillman qui aurait chez vous une machine en réparation depuis mars. Et lui, effectivement, il trouve le temps un petit peu long. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Peut-être s'est-il trompé, c'est pour ça que je voulais tout de suite rectifier sur RTL en appelant le patron de la boîte. Merci beaucoup, on a essayé de vous joindre par le biais de Beyser Environnement. Eh bien Hervé, vous nous ferez la petite alerte dès que vous avez quelqu'un ? Alors j'ai une solution, éventuellement je vais raccrocher. Ah, ça ressonne. Ah, ça ressonne. Attention, il nous le repasse. En direct, on y va. Allô ? Oui, mais on repasse sur le répondeur. Alors, deux cas en suspens. En ce qui concerne l'hôtel, je vous rappelle que cette personne qui va dîner, elle pose sa valise, elle vient à peine d'arriver à l'hôtel sur son lit. Quand elle remonte du repas, elle trouve la valise ouverte, les effets dispersés, tout a disparu, le matériel électronique. On doit avoir Bernard un interlocuteur. À 10h30, Julien, oui. Parfait. Je lance un nouveau cas, celui de Bernard. C'est du déménagement, c'est de la banque, il y a un petit peu tous les cas dans ce cas. Nous allons en savoir plus après ceci. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien ? 250 euros de bon d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000 euros en cash tous les soirs. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. W9 présente l'UEFA Europa League en exclusivité, en clair et en direct. Retrouvez le deuxième match de poule Saint-Étienne-Anderlecht ce soir à 20h55, suivi de 100% foot présenté par Karine Galli, avec les analyses et commentaires d'invités passionnés de football. L'UEFA Europa League, commenté par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri, en clair et en direct à la télévision, c'est uniquement sur W9. Avoir bien chaud pour bien moins cher, c'est le pari de l'or pour cet hiver. Alors elle profite des promos de la rentrée chez Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 30 septembre au 1er octobre, Bricomarché crédite sur votre carte de fidélité 5 euros par tranche de 50 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 5 euros tous les 50 euros d'achat, infos et magasins participants sur bricomarché.com. Où va le monde ? Quel est le sens de la vie ? L'œuf ou la poule ? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8 690 euros avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurnal LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache ? Citroën. Offre sous condition de prise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et Bernard est en ligne. Bernard, m'entendez-vous ? Bonjour, oui, je vous entends, oui. Bonjour Bernard, vous nous appelez d'où Bernard ? De La Garde à Toulon, à La Garde dans 83, PACA. D'accord, donc Bernard, vous êtes à Toulon, vous avez déménagé, vous êtes parti d'où pour aller où ? Alors je suis parti de Tarbes, dans le 65 Midi-Pyrénées, pour aller dans le 83. Voilà, et donc vous aviez une banque, et vous avez dit à votre banque, eh bien je vais changer de succursale, je reste chez vous, mais tout je vais passer de la succursale de Tarbes pour aller dans celle de la région PACA. Et depuis combien de temps avez-vous fait cette demande ? Ça fait à peu près 10 mois. 10 mois. Et donc, ils n'arrivent pas à vous transférer les comptes ? Alors, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils me disent que c'est impossible de transférer des comptes, vos comptes dans notre succursale. Problème informatique. Alors, voilà. Ils vous disent il faut tout fermer. Je suppose qu'ils vous disent c'est à clôturer les comptes à Tarbes et aller rouvrir un compte à PACA. C'est ça, exactement. Ils disent que c'est pas possible de transférer un compte. Alors, on va tout de suite demander, parce qu'il est en ligne avec nous, hein, le dieu des banques. J'ai nommé monsieur Serge Maître de l'Association française des usagers bancaires, la FUB. Serge Maître, dites-moi qu'il se trompe, que ce n'est pas possible d'entendre qu'une banque ne peut pas transférer dans la même enseigne un compte d'une ville à une autre ville. Eh bien, Julien, c'est là la situation lorsqu'on a affaire à des banques mutualistes. Et c'est le cas de Bernard, je pense. Lorsqu'on est dans une banque commerciale, on les connaît, hein, il y en a trois grandes. Là, c'est possible, il y en a même une qui faisait publicité il y a quelques années en disant « Vous voulez quitter votre agence et aller dans une autre agence, pas de problème. Vous gardez le même numéro de compte et vous délocalisez. » Tout à fait cohérent. Mais dans les réseaux mutualistes, ils sont organisés comme des banques autonomes, par région, voire même par département ou localité. Et donc, dès lors, la main gauche ne veut pas connaître la main droite. Alors, on se dit, mais c'est le même nom. C'est pas exactement le même nom. C'est des crédits mutuels. Je parle au terme générique, mais crédit mutualiste, crédit mutuel, caisse mutualiste. Et donc, dans ces réseaux, on va vous renvoyer donc à devoir clôturer et rouvrir ailleurs. Et c'est pas une question d'informatique, c'est une question, on va dire, de perception juridique. Et là où il y a un problème, vous savez, Julien, c'est que il l'annonce pas comme ça aux clients. Hein, on le sait pas quand on ouvre un compte dans un réseau mutualiste, on découvre, comme Bernard, à l'occasion tout à fait fortuite d'un déménagement, qu'on est, je vais pas dire piégé, mais c'est pas loin d'être ça. Et puis moi, à la FUB, ce qu'on va reprocher aux deux établissements, c'est-à-dire à celui de la garde et à celui du départ, où était Bernard, c'est que il y a un défaut d'information et de conseil. Alors c'est pas un vain mot, il y a une loi qui est intervenue, plusieurs lois sont intervenues, la loi Hamon de 2014, une loi du 6 août 2015 qui affirme le droit de pouvoir clôturer un compte et changer de banque, ça s'appelle la mobilité bancaire. Et ils auraient dû dire à Bernard, mais attendez, on va mettre en mouvement l'obligation que nous avons de vous informer et de vous dire que on va clôturer un compte et rouvrir à la garde un nouveau compte en toute facilité, c'est gratuit. Et là, ce n'est pas normal, d'autant plus qu'il y a une directive et un communiqué de presse du syndicat professionnel des banques qui, en mois de septembre, a rappelé l'engagement des banques à faciliter, justement, le changement D'accord. de banque. Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est clair, c'est net. Nous allons donc les appeler. Merci, Serge Hamel. Si j'ai besoin de vous parce que ça bloque d'avoir vos lumières bancaires, je me permets de vous rappeler, d'accord ? Pas de problème, Julien. C'était Allez. Serge Maître de l'AFUB, celle qui défend l'association qu'il faut contacter lorsque vous avez des problèmes bancaires, bien sûr. Eh bien, je propose que l'on prépare le numéro de téléphone. Et nous allons démarrer par la succursale, donc, Maître Fellonneau de Tarbes. Oui, exactement. Et leur demander pourquoi de faire les vous démarches. Parlez, vous ne pouvez pas déplacer. Alors là, l'accent démarrait bien au début, non. Puis oui, après... Bon, hein, parce que moi, j'avais mes grands-parents qui habitaient à Tarbes. J'adore Tarbes. Vous connaissez Tarbes, Hervé Pouchol ? Bien entendu, dans les Hautes-Pyrénées. Effectivement. On a quelques souvenirs là-bas. On va peut-être pas tout raconter, ben si. Contrer, tout ça. Vous allez déjà m'en parler hors antenne et je vous dirai après si on peut les raconter, mais ne le vous lancez pas tout de suite là-dedans. Allez, nous appelons Tarbes, nous marquons une pause, préparez le numéro. Il y a une alerte oui, sur quelle. Je voulais juste passer un petit coup de gueule et je me retiens. Parce Pourquoi que là, ils commencent à nous prendre pour des imbéciles, nos amis de Bézère Environnement. Parce que ça fait plusieurs fois, ils nous mettent en attente. Je viens d'avoir la Isabelle en question qui nous remet en attente systématiquement. J'ai appelé le PDG, ça ne fonctionne pas. Chaque fois, ils nous raccrochent au nez. Il y en a marre. Ouais, là, c'est pas très bien parce que qu'ils ne sachent pas quoi répondre, il vaut mieux dans ces cas-là dire les choses honnêtement. Écoutez, il y a un souci, mais là, j'ai l'impression qu'on découvre un peu le problème, donc on se passe la patate chaude. Voilà. Et c'est pas bien parce que ça donne pas une très très belle image, mais encore une fois, je pense que ce sont des gens sérieux et que nous allons pouvoir les joindre. Nous appelons maintenant tout de suite une nouvelle fois, mon petit Hervé. Ils sont en train de nous écouter, d'ailleurs, à vous qui êtes derrière votre poste de radio chez Bézère. Soyez sympa, montrez-nous que vous êtes des super pros. C'est pas un... Je suis pas en train de vous dire qui a tué JFK. Non, mais je si vous avez un problème, partagez-le avec nous pour qu'on puisse vous comprendre, parce que pour l'instant, vous passez pour des incompétents. Limite, vous aider à trouver la pièce. Mais bien sûr, c'est pas bien de laisser un client comme ça, vous rendez compte, pour tous ceux qui écoutent. Allô ? Il raccroche, c'est-à-dire que maintenant il ne décroche même plus chez Bézère Environnement. Vous vous rendez compte que ça veut dire que si on achète du matériel chez Bézère Environnement, on tombe en panne, on le ramène, il le garde. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois, et quand vous appelez pour avoir des nouvelles, on vous raccroche au nez. C'est quand même fou ça. J'ai une chanson pour eux, Julien. Ah ben quand voilà, t'es dans le Bézère depuis trop longtemps. Très très bon. Mais saviez-vous que Bézère Environnement... Dans ces cas-là, il ne faut pas lâcher, parce que c'est trop facile. Si là, on arrête de traiter ce dossier sous prétexte qu'il ne répondent pas, ben, on n'a plus aucune crédibilité. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire ? Enfin, ceci étant dit, lui, il ne va pas tarder à aller au tribunal, hein, je vous le dis tout de suite. Ça vaut la peine, parce que ça doit quand même bien gêner son exploitation. Et l'indemnisation va au-delà du prix d'achat, c'est sûr. Allez, amis de Bézère Environnement, vous êtes en train de m'écouter, j'en suis sûr. Vous qui êtes à Bouveilère, c'est ça, c'est à Bouveilère ? Notre auditeur est là ? Brice, oui. C'est à Bouveilère. Le Fier. Oui. Oui, je crois que c'est à Bouveilère. Oui, vous l'avez acheté. Vous oui. l'avez acheté où Bah nous, on l'a acheté. Oui, là où à Bouveilère, ouais. D'accord. J'ai pas très bien compris votre logique, oui, Brice, mais... Oui. Oui, mais j'ai bien compris. Le siège était à Bouveilère. Bon, oui, je crois que c'est à Bouveilère. Mais vous l'avez acheté où? Bah non, on l'a acheté à Bouveilère. Allô? Bon, allez, on tente un Bézère Environnement. Ah, oui. Allez, Bézère, soyez sympa, répondez-nous. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, mesdames et messieurs. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Sportif, joyeux, joueur ou câlin, venez trouver l'animal qui vous ressemble dans les refuges et maisons SPA lors de nos journées portes ouvertes du 30 septembre au 2 octobre. Plus d'informations sur la-spa.fr avec RTL. Qui fait mieux que Conforama ? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end ! Eh oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur conforama.fr. Écarquille tes esgourdes, mecton. Renault est de retour. Le troubadour débarque en bande dessinée. Pour l'occasion, c'est gratiné. 25 balades retapées par les plus grands blasts de la BD. Crapahuit dans l'univers à Renault. À coups de crayon, retapissez les célèbres charognards en bifurquant par Manhattan Kaboul. Si tu cherches une Bible, laisse béton. La bande à Renault, aux éditions Delcourt. Ta-ta-tin. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation bon marché plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kilos, soit 50 centimes le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il y a plein de choses à faire. Il y a déjà le petit point info. Il est important que vous sachiez où nous en sommes. Donc nous allons le faire tout de suite, mais le rapido point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Olivier et l'hôtel. Il dépose sa valise sur un lit, il va dîner. Quand il remonte, la valise a été ouverte. Le matériel volé, toujours aucune nouvelle, mais nous devrions en avoir, je pense. Bernard Sabat, quelle heure va-t-on avoir l'hôtel ? 10h30, nous aurions ou le directeur de l'hôtel ou bien carrément le service communication du groupe Adagio qui fait partie du groupe Pierre et Vacances. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, alors là, on se bat, hein, vous l'avez entendu, avec Beizer, Brice qui achète du matériel. Il est en réparation depuis le mois de mars. C'est un matériel pour nourrir ses vaches, en tout cas pour écraser les céréales. Il se passe rien. Règle d'or, maître Fellonneau, au bout de combien de temps déclenche-t-on la manœuvre et quelle manœuvre ? La règle d'or sur RTL. Toujours la petite lettre recommandée avec accusé de réception pour mettre en demeure votre contradicteur de respecter ses engagements et ses propres obligations, en l'espèce de réparer dans des délais raisonnables. À défaut, et vous le dites sur votre lettre, vous serez contraint de demander la résiliation du marché au tort de votre réparateur, puisqu'il n'est incapable de le faire. En ce qui concerne Bernard, qui est à Tarbes, qui part à habiter en région PACA, sa banque lui dit on peut pas transférer les comptes de notre succursale à la succursale là-bas. Il est bien embêté, il est grand temps de les appeler, laissez-nous préparer le numéro, et nous allons bien sûr ensuite pouvoir leur parler et avancer. Et puis je vous donnerai des nouvelles de ce monsieur à qui on a coupé... le gaz et l'électricité, aux alentours d'11h20. Vous êtes sur RTL, voici le tout nouveau Julien Clerc. Entre elle et moi, c'est un peu de temps, un petit différentiel qui nous tient, et c'est très bien. Entre elle et moi, il y a des printemps, quelques années qui ruissellent. Entre elle et moi, c'est comme ça. Regardez bien sur la photo, les bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes. Regardez bien là dans mes yeux, cette petite flamme, c'est un peu d'elle que j'emprunte. Elle et moi, ce n'est pas le vide. Il y a dans nos distances des ponts et des traversées. Dans le lit qui sépare nos rives vit une éternelle enfance, indocile, irraisonnée. Regardez bien sur la photo, rassemble encore si chaud des siens et de leurs étreintes. Regardez bien là dans mes yeux, cette petite flamme, c'est un peu d'elle que j'emprunte. Mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes. Demi-Mois. C'est Julien Clerc sur RTL. Très très belle chanson qu'on réécoutera bien sûr sur RTL. Nous allons lancer l'appel tout de suite pour Bernard. Ne perdons pas de temps, juste le temps que les numéros se fassent. Vous le savez, 3210, touche numéro 2, puis après touche numéro 2 une deuxième fois pour gagner le MacBook Pro 13 pouces ou bien SMS RTL au 74-900. Objectif, Bernard est en ligne ? Allô, oui, je suis toujours là. Ok, mon Bernard, ça sonne à Tarbes. Ouais. Allô, Tarbes ? Et c'est Houston. Comment s'appelle votre banque, Bernard ? Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel Tarbes, bonjour. Bonjour, le Crédit Mutuel de Tarbes, c'est Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec votre client Bernard Meyer. Oh non ! Décidément, ce matin, vous avez un succès fou. Mettez-moi une musique, la marche funèbre, s'il vous plaît. Car c'est ma dernière émission, je vous le dis. Je me pendrai après et j'irai vivre seul sur une île avec des animaux qui, eux seuls, me comprennent. Aujourd'hui, il n'y a plus que mon chien qui me comprend à peu près. Vous n'avez pas la tête d'un mutuel. Mes enfants me trouvent largué. Ma femme me trouve fané. Seul mon chien me trouve encore quelque chose. Les gens ne me parlent plus. Et maintenant, la banque ne répond plus. C'est-à-dire qu'à cause de mon appel, non seulement je ne peux pas avancer sur votre dossier, Bernard, mais je vais priver tous les clients du Crédit Mutuel de Tarbes d'avoir une réponse à leurs questions. Vous avez demandé. Il a bien. Je suis pas sûr qu'il ait cru que c'était une blague. Parce que dans ces cas-là, on répond la voix d'après. Ils sont au courant, ils sont au courant. Comment ça, ils sont au courant? On leur avait dit que vous alliez appeler? Non, non, ils sont au courant de l'affaire. Ah oui, oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'avec tout ce que j'ai remué, parce qu'au sein des fédérations, etc., ils sont au courant. Mais ils veulent pas, voilà, ils veulent pas, parce que j'aurais dit, de toute façon, si c'est un peu une question de vous n'êtes pas capable de vous mettre de suite, et à ce moment-là, mais je change de banque. Ce qui est juste génial ah oui, dans cette émission, et c'est pour ça, évidemment, que nous voulons être le miroir et que nous le sommes, c'est que justement, c'est la différence entre ce que l'on voit, la publicité, et le terrain. C'est ça que l'on vit tous les matins sur l'antenne d'RTL. La différence. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'ils font ces gens-là font des campagnes de publicitaires, la banque à qui parler. Exactement. La banque à qui parler vient d'appeler pour raccrocher au nez. Alors je sais pas. Et là, moi, j'avais mis sur leur site la banque à qui on ne peut pas parler. Voilà. Alors ils ont re-raccroché. Oui, Julien, ils ont raccroché. Oh, ça nous confirme. Donc on va relancer l'appel. Là, on est dans un match. Beizer Crédit Mutuel. Oui, bonjour, Jean-Paul Plichon ici. Bien, Beizer Crédit Mutuel, c'est l'affiche pour savoir qui va répondre en premier. Est-ce Beizer et les machines agricoles ou est-ce Crédit Mutuel? La partie vient de démarrer. Pour l'instant, Beizer est à 3 raccrochages avec une bonne tactique. Le Crédit Mutuel est à 2. Donc toujours un but d'avance pour Beizer. À vous les studios. Allô, le Crédit Mutuel? Oui, tout à fait, Julien. Merci, allô. Le Crédit Mutuel de Tarbes? Oui. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Ne raccrochez pas s'il vous plaît, on vient de nous raccrocher deux fois au nez sans même que l'on ait pu s'expliquer. Est-ce que je peux juste... Elle a raccroché. Égalisation du Crédit Mutuel ici, Beizer, 3 raccrochages, Crédit Mutuel 3, nous allons entrer dans les prolongations. Vous vous rendez compte que c'est plus passionnant qu'un PSG Arsenal, cette histoire. Allez, on continue. Alors, on va appeler le siège du Crédit Mutuel. J'ose espérer qu'ils comprendront que la situation est grotesque, que l'on demande une explication à la banque à qui parler. Mais c'est plutôt la banque qui s'est raccrochée. Raccrochée 3 fois au nez comme ça, je trouve que vraiment, c'est très léger, mon petit Bernard. Hein. Vous allez finir par changer de banque, en plus. Ben, je suis un peu déçu, quoi. Ça fait 30 ans que je suis dans leur banque. Ouais. Et malheureusement, au bout de 30 ans, je vois que le service n'y est pas, quoi. Mais voilà. Peut-être qu'il y a une faute de frappe dans le slogan. C'est peut-être la banque à qui pas parler. Parce que c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu, ils ont oublié le pas. Oui, Maître Félonneau. Bah oui, effectivement. Moi, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de changer de banque. Vous n'êtes pas marié ad vitam aeternam. C'est vrai que c'est moins facile quand on a des crédits, exactement, par exemple. Parce qu'on se dit, on est obligé de conserver 2 comptes, etc. Mais avoir son agence à 400 km, c'est difficile à gérer pour aller chercher ses carnets de chèques, pour avoir un conseil. Non, c'est vraiment dommage. 10 mois, vous avez été plus que patient. Bernard, et que vous dit le Crédit Mutuel de PACA quand vous leur dites j'aimerais être chez vous, est-ce que vous pouvez faire le transfert? Alors, eux, ils ont fait un peu la chaude oreille. Alors, je me suis adressé directement à la Fédération à Marseille. J'ai eu un interlocuteur qui, au début, m'a dit, bon, on peut résoudre le problème. Effectivement, peut-être que c'est un problème de plateforme informatique, mais on peut le résoudre manuellement. Bah, évidemment. Et Et après, deux jours après, il m'envoie un mail en me disant que c'est pas possible. Et moi, j'ai dit, mais vous me prenez pour qui, là, pour un imbécile ou quoi? Et là, j'ai recontacté sur la plateforme du Crédit Mutuel pour leur donner mon mécontentement. Et le monsieur de Marseille m'a dit que j'étais un impertinent, que j'étais désagréable. Un impertinent? Impertinent, désagréable, et que ils n'avaient pas à m'aider plus que ça. Voilà. Bien, allez, on continue. Bah. On essaie d'avoir le siège du Crédit Mutuel. Il est très intéressant de voir comment on traite le client. Mais toujours 3-3 entre Crédit Mutuel de Tarbes, 3 raccrochages au nez, Bayzère, 3 raccrochages aussi. Alors Julien, il y a un président du conseil d'administration qui s'appelle Nicolas Théry, mais il n'y a pas de siège parce que c'est fédératif. Ça veut dire que chaque coin est regroupé. Donc il faut trouver l'adresse où se trouve ce président, qui est sûrement un des responsables dans une zone. Donc on va interpeller la garde au numéro spécial et on revient vers vous. Allez, ça marche. On avance, Bernard, on ne laissera pas tomber. On reprend ça demain matin si jamais on n'avance pas. Mais il nous reste 33 minutes. C'est l'objectif que nous nous fixons. Hervé. Puisqu'on est dans les présidents et dans les Bernard, moi j'ai un appel pour Bernard Cogniel qui est le président directeur général de Bayzère Environnement. Et là, ce monsieur, il faut absolument qu'il nous rappelle. Mais c'est complètement fou. C'est hallucinant. Non, mais c'est soit être paniqué à ce point pour ne pas dire voilà ce qui se passe avec cette machine, on n'a pas la pièce, comment on peut avancer, etc. Vous vous rendez compte un petit peu là. Enfin, moi, je sais pas. Pour ceux qui écoutent, mais c'est terrible. Encore la banque, bon, enfin, si, c'est pas normal qu'on puisse pas lui. Vous vous rendez compte, on peut pas passer d'une succursale à une autre. Non, on a des beaux cas là ce matin. Vous nous avez gâtés tous. Que se passe-t-il? Une alerte, Sarah. Bonjour, monsieur. Ce serait bien d'essayer de pas nous raccrocher au nez, s'il vous plaît. Pouvez-vous le passer, s'il vous plaît, Sarah? Allô? Oui. Monsieur, on vient de nous raccrocher 3 fois au nez, c'est la radio RTL en direct, et à 3 reprises, les auditeurs ont entendu, à 4 reprises, non, il est là toujours en ligne. Donc monsieur, est-ce que je peux juste exposer le but de mon appel, s'il vous plaît? Alors, un instant, je vous passe la responsable. Merci monsieur, allez, la responsable dans une seconde. On aurait le patron de Bayzère, c'est une nouvelle alerte. Bernard, c'est ça Cogniel, le DG. Monsieur Cogniel, bonjour. Monsieur Cogniel? Il est sur quelle ligne, monsieur Cogniel, s'il vous plaît? Allô? Monsieur Cogniel? Ben, vous êtes trompé de bouton. Pas trompé de bouton. Il écoutait la radio, j'entendais le retour. Ah. Et il a dû se rendre compte. Monsieur Cogniel de chez Bayzère, on va vous rappeler maintenant. C'est effectivement pour vous parler en direct sur RTL, pour que vous expliquiez à vos futurs clients que quand une machine tombe en panne, non seulement vous mettez pas un an pour la réparer, mais surtout quand il appelle, vous lui raccrochez pas au nez, parce que c'est le 3e raccrochage au nez de Bayzère qui est incapable d'expliquer un problème pourtant tout simple. À tout de suite sur RTL. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, pendant l'opération Ma Maison Économe, 89 euros seulement le radiateur électrique 1000 watts à inertie sèche, simple d'utilisation avec son thermostat programmable. Garantie 2 ans incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Vous écoutez le 9h-11h sur RTL. Nous revenons sur l'antenne, il s'est passé énormément de choses. Il y a 2 dossiers où nous galérons. Il y a le dossier banque avec ce client qui est au Crédit Mutuel depuis 30 ans à Tarbes. Il va habiter en région PACA et le Crédit Mutuel de Tarbes est incapable de transférer ses comptes. Nous avons appelé le Crédit Mutuel de Tarbes 3 fois, 3 raccrochages au nez. Et là, le 4e semble être le bon puisqu'il nous a dit « je vous passe une responsable ». Bernard Sabat, pouvez-vous juste nous dire où en êtes-vous dans cet appel? Je suis avec la directrice de Tarbes qui n'a pas le droit de parler, Julien, qui est en train de me donner un numéro de téléphone qui pourrait nous amener à parler au directeur, la au grand patron. À qui parler? Très bien. Alors on avance. Et le 2e cas, c'est Bayzère. On avait le grand directeur. Donc Bayzère, c'est la machine qui est en panne depuis le mois de mars. Acheté quand même 2303 euros. C'est son prix. Un aplatisseur de céréales pour nourrir les vaches. Depuis mars, elle est en réparation. Et le client nous dit, je n'ai aucune nouvelle. Comment je fais? C'est quand même long. On a appelé 3 fois Bayzère. 3 fois, on nous a accroché au nez, ce qui prouve un peu le dédain quand même dans cette histoire, parce que la première fois qu'on pense que c'est une blague, c'est une chose, mais après non. Et là, on a eu le directeur en ligne, Hervé Pouchol, entendez le retour radio. Là, vous êtes avec qui, Hervé Pouchol? S'il vous plaît, prenez le micro. Écoutez, j'ai un monsieur, je croyais que c'était le numéro de monsieur Cogniel, en fait, c'est un agriculteur qui est en ligne, on m'a donné un numéro de téléphone, j'ai appelé ce numéro. Mais qui vous a donné ce numéro? Ah, je sais pas, je vais pas donner les noms tout de suite. D'accord. La personne est en ligne et il était dans sa voiture pour nous dire qu'il était également client de Beyser Environnement. Ah, il y a eu un petit parce donc que ça s'est bousculé. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il répondait pas, voilà, parce que je ne l'appelais pas. Ouais. Il va très très bien. Là, je l'ai en ligne, je le rassure, tout va bien. Bon, écoutez, il y a un petit couac. Donc on attend toujours un client de chez un client. Pardon, non, le patron de chez Beyser. C'est incroyable. Nous allons vous donner des nouvelles de Manuel, l'homme qui va bientôt avoir 90 ans, 3 dialyses par semaine, qui n'aurait plus d'eau et d'électricité, on y voit plus clair. La solution approche, car la mairie des Lilas nous a écrit, nous en parlons juste après ceci, mesdames et messieurs. Après avoir écouté sur l'antenne d'RTL, est-ce que vous vous rappelez de Status Quo? Oh, avec oui. Ilse Armina. Les Enfoirés avaient repris le titre un petit peu plus tard. Voici la version originale. Les grands standards du rock sont sur la radio RTL, la radio de George Lang. Status Quo, Ilse Armina, 3210 pour nous joindre. Il y a eu une alerte, Bernard Sabat, vous étiez avec la banque pendant In the Army Now de Status Quo sur RTL, que s'est-il passé? Ouais, je ne suis pas content Julien, parce que vraiment je vois qu'on nous dit que la banque dialogue avec ses clients, et ben c'est pas le cas, c'est pas le cas parce attendez, on vous a dit ça? Oui. Alors on va demander, parce qu'à un moment donné moi je suis tout à fait d'accord, on va demander à Bernard, voilà, on a une dame au téléphone à Tarbes, c'est ça ou oui, c'était où? C'est la directrice. La directrice de Tarbes, du Crédit Mutuel de Tarbes, qui nous dit nous on dialogue avec nos clients, donc pourquoi vous nous appelez sur RTL? Non, ils ne dialoguent pas, sûrement pas. Parce que on leur envoie des mails, on leur téléphone. Ah oui, pour nous vendre des produits, ouais, ok, ouais, dialogue pour ça. Alors, et on demande juste à cette dame, parce que pas, si vous lui avez posé la question, est-ce qu'on peut, oui ou non, transférer un compte ? Alors, le compte doit être fermé à Tarbes. C'est obligatoire. Par contre, lorsqu'il va venir à, dans sa région du Var, il va donner toutes les informations et tout va être pris en charge, justement, par le crédit mutuel de la garde. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça, les fonds mutualistes ne gèrent pas les banques de la même façon, mais ils appliquent la loi. Ça veut dire, un, on ferme le numéro de compte, il va changer le numéro de compte et tous les éléments vont être donné et suivi par la nouvelle fédération bancaire. Comme vous avez dit, donné, on aurait dit, comment ça se Oui. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'il vous oublie de vous dire que pour faire la domiciliation de tous les créanciers, il faut 2 mois. Voilà. Ce qui veut dire que si moi demain, les impôts ne rentrent pas dans leur créance, c'est-à-dire moi je paye mes impôts, hein, comme tout le monde, pénalité de 10%, plus ils annulent la mensualité et plus ils réclament tout ce que je leur dois. Alors ça, je comprends pas bien là. Vous allez expliquer à Maître Fellonneau en antenne qui va. Si, vous avez compris. C'est le transfert ensuite. Tous les virements qu'on fait, tous les paiements qu'on fait par virement, si on n'a plus le même numéro de compte ou si on vous ferme votre compte, 2 mois. Alors on prévient en général les créanciers tels que les impôts en disant on va avoir un problème de transfert. Il y a toujours une solution là-dedans parce que vous pensez bien que vous n'êtes pas le seul à changer de compte, à faire des transferts et effectivement avoir un délai de carence. Et en général, c'est compris, mais il faut avertir. Alain Hazard. Cela dit, on progresse tout de même puisque jusqu'à présent, il était impossible de faire cette opération-là vis-à-vis du crédit mutuel. D'accord. On ne peut pas fermer le compte. Maintenant, on peut fermer un compte et l'ouvrir à la garde. On progresse. C'est ce qu'il faut faire. Alors Bernard Sabat, conclusion, il doit prendre contact avec cette dame. Qu'est-ce qui se passe pour que fermer ce compte ? On rouvre et feront en sorte que ça aille très très vite pour vous. Exactement, c'est ce qu'elle m'a dit. Prendre contact, fermer le compte obligatoirement. Il va changer de numéro de compte, mais toutes les formalités administratives pour les différents prestataires qui piochent sur le compte de ce monsieur, donc notre auditeur, ben malheureusement, ça va être géré par évidemment la nouvelle région qui est donc le Var. Elle me l'a confirmé et affirmé, mais elle n'a pas le droit de parler à l'antenne. Bernard, vous ouvrez un compte dans une autre banque et puis à chaque fois que vous avez besoin de sous, vous prenez, enfin vous virez jusqu'à ce que vous fermiez à Tarbes. Ouais, d'accord. Ben voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'ils sont incapables de nous donner une solution. Ouais, mais moi si je me suis adressé à vous, c'est parce que je les ai relancés plusieurs fois. On devait me recontacter, prendre rendez-vous. Ne parle pas. C'est la banque pour l'instant à qui ne pas parler puisqu'on appelle, elle veut pas parler cette dame. Et la banque n'a jamais repris contact avec moi. Je les ai relancés plusieurs fois. J'ai même écrit à Lyon à la au président de banque. De la banque de région qui devait me recontacter. Écoutez, moi je lance un appel à un grand responsable du crédit mutuel. Cet homme va quitter la banque parce qu'il en a marre. Donc soit vous prenez vos responsabilités, vous dites chez nous, pas de client insatisfait, donnez-moi le cas, j'essaie de voir ce que je peux faire pour lui et je lui parle. Soit vous le laissez faire et il va à la concurrence. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Ouais. Donc Bernard, attendons qu'il nous rappelle. Si quelqu'un du crédit mutuel a en stock dans un tiroir une paire de coronas, il la met, il l'appelle et il lui explique, qu'il lui dise blanc ou noir, mais au moins qu'on lui parle, à l'hasard. Le grand patron de la Banque Fédérative Crédit Mutuel, c'est monsieur Nicolas Théry. Oh, monsieur Théry, en plus, je suis certain que ça va bien se passer avec lui. Allez, alerte rapidement et on marque une pause parce qu'il va se passer quelque chose. Lui, le feuilleton Bézère Environnement, et là, une petite nouvelle, j'ai réussi à avoir le standard, mais sauf qu'on m'a encore pris pour un imbécile, parce que là, on m'a sorti, vous êtes trompé de numéro de téléphone. C'est pas vrai. Et elle a raccroché. Oh. Donc, je trouve ça assez minable. Bien. Surtout que j'ai laissé un message à monsieur Kirin, qui est le directeur général, au président directeur général Bernard Cognel, ils ont mon numéro de portable, même s'ils ne veulent pas parler à l'antenne. Là, dans ces cas-là, qui me rappellent directement sur mon portable, mais je commence à être un petit peu agacé. Eh bien, écoutez, c'est le moment de sortir notre disque, qui sortira maintenant tous les jours, tant que nous n'aurons pas, évidemment, une solution à ce problème. Quand t'es dans le désert, quand tu appelles Bézère, depuis trop longtemps. T'as les vaches qui ne bouffent plus, elles commencent à meugler. Moi ça me fait bien que d'être demandé. Quand t'es dans le Bézère. Allez, ami de Bézère, on commercialisera le titre s'il le faut pour arriver à avoir un concasseur. A tout de suite. Qui fait mieux que Conforama ? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end ! Eh oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur conforama.fr. Comment je fais pour avoir de beaux cheveux dans tous mes films ? C'est un secret de star. Bon, ok, je vous le dis. Mon secret s'appelle Vitalitis. Vitalitis, toute une gamme de shampoings et de soins pour que vos cheveux soient toujours au top. Alors faites comme moi, demandez les produits Vitalitis à votre coiffeur. Silence plateau, s'il vous plaît. Vitalitis. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Oliver Twist le musical. Une création française dans la pure tradition de Broadway, avec 21 artistes et musiciens. Dirigé par Ladislas Chola, le metteur en scène de Résiste. Il sera tellement fier, mon père. Oliver Twist, le musical, actuellement à la salle Gaveau. Avec RTL et France 2. Monoprix. Tu sais que t'aimes la mode quand tu te changes 5 fois avant de sortir, alors que tu vas juste descendre des poubelles. Hein. Ouais. Bon. Et tu sais que t'aimes encore plus la mode quand tu t'achètes tout le stock de cachemire Monoprix pour que personne soit habillé comme toi, quoi, en fait. Ouais. Pendant les 9 jours Monoprix, le pull Colvé Femme 100% cachemire est à seulement 69 euros au lieu de 89,99 euros. Faites vite, c'est jusqu'au 9 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, nous allons revenir dans un instant donc sur le cas de l'eau, du gaz qui a été coupé à ce Manuel qui va bientôt avoir 90 ans avec un courrier de la ville des Lilas. La ville des Lilas qui n'est pas très contente, mais ils nous ont au moins écrit pour nous donner leur version des faits et peut-être leur solution. Alors on va pas lire la lettre entière parce qu'elle est très longue, mais on va en prendre les... tout ce qu'il y a de plus important, y compris les passages où ils ne sont pas contents, bien sûr, nous ne manquerons pas de les donner, sachant que c'est un peu dommage qu'on en arrive là, parce qu'on les a appelés trois fois, il suffisait de nous l'expliquer très rapidement au téléphone. Peu importe, ce qui compte, c'est le résultat. Mais il y a encore une alerte, je rappelle que c'est le Money Time, et que c'est dans le dernier quart d'heure que ça bouge de tous les côtés. Olivier s'envole dans sa chambre d'hôtel ou dans sa résidence hôtelière. J'avais fini par l'oublier. Eh oui, pas moi, parce qu'on avait rendez-vous à 10h30, ils ont rappelé à 10h35, deux fois, mais j'étais en ligne. Oui. Donc la bonne nouvelle, c'est la suivante, Julien. C'est que, d'abord, le film a été vu, hein, du vol. On voit bien les gens rentrer dans la chambre. Le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas de passe et ils poussent simplement la porte, donc elle aurait été mal fermée. Ouais. Pour autant. Mais on voit qui c'est, ils reconnaissent des clients. C'est des gens de dos que l'on voit. Après le voir sortir, c'est la police qui est en train de faire une enquête. Ouais. Mais, par contre, la bonne nouvelle, c'est que on m'a donné un numéro de téléphone très intéressant pour le chargé de clientèle de chez Adagio, qui attend le coup de fil d'Olivier. Il fournira tout simplement ses factures et il sera entièrement remboursé. Julien. Est-ce que Olivier Nicolas de son nom est en ligne avec nous, lui qui est à Saint-Jean-le-Védas? Tout à fait. Bon, donc normalement, vous allez être remboursé grâce à l'intervention de Bernard Sabat. On vous donne le numéro où il faudra appeler. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention à bien claquer la porte. Alors, ça, c'est ce que nous a dit ce monsieur. Hein. Après, on n'a pas vérifié le film. En général, les portes sont suffisamment lourdes et se reclaquent toutes seules. Maintenant, c'est ce qu'il dit, on ne va pas chipoter du moment que vous êtes remboursé. C'est le principal. Ça vous va, Olivier ? Ah, c'est fabuleux. Alors, par contre, vous nous donnez la nouvelle à Sarah dès que vous avez le chèque. Hein. Et attention, il y a le plafond d'indemnisation. Ah oui, maximal. Ce sera 100 fois, au maximum 100 fois le prix de la chambre. Olivier, c'était combien la chambre ? 91,52 €. Donc vous avez 9 000 euros. Quoi, non, 100 fois. Ah, c'est 100 fois. 100 fois, ça fait 9 000 euros. Il sera bien en dessous, donc il n'y a pas de souci. Vous dites que c'était un ordinateur. Non, Julien, on ne triche pas. J'avais mis un autoradio dessus. Il y a une influx. Du vison. Sur le X, j'avais mis du vison. Sur le Z, j'avais mis de la porcelaine. Moi, je l'avais personnalisé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Un iPod, un téléphone. On nous a dit un téléphone, un stylo et des lunettes de vue. C'était un stylo en or, ça, je me rappelle très bien. Arrêtez, Julien. Et les lunettes, comme c'est un peu le puff d'Adi de Saint-Jean-de-Védas, elles étaient en or également avec des diamants. Avec des diamants. Hein, Olivier ? Moi, j'ai fait un décompte, il y en a pour un peu moins de 3 700. Oh, vous leur faites un cadeau. Parfait. C'est bien, Olivier. Merci. Et bien voilà, une histoire résolue. On est tous contents. Ah, bravo, Bernard Sabat. Merci à Pierre et Vacances. Tenez au courant, Olivier. Par contre, il y a deux dossiers qui bloquent et qui bloquent bien. C'est toujours Beizer et c'est toujours le Crédit Mutuel. Et ça, il nous reste un quart d'heure pour avancer. Et si nous n'avançons pas, c'est demain matin 9h30, c'est lundi matin 9h30. Et on le fera jusqu'à ce qu'à un moment donné, on me dise tu es trop vieux, rentre chez toi. Mais sinon, on continuera. Là, on va s'écouter, mes amis. Le beublé de tous les beublés. C'est Michael. Écoutez-moi ça, vous adorez. Nobody but me, vous êtes sur RTL. Baby, I get a little bit jealous. But how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe

pour le, parce qu'il y a justement, ce monsieur est concerné par l'aide sociale. Et Sarah, je vais vous demander de prendre le micro et de dire objectivement comment vous avez été reçu. Parce que moi, aujourd'hui, ce monsieur nous envoie une lettre. On aurait pu se parler. Vous savez, on est des êtres humains. Allô, bonjour, comment allez-vous? Pouvez-vous m'expliquer la situation? Voilà, monsieur Courbet, voilà le problème, voilà pourquoi nous n'avançons pas. Comment on peut le faire? Mais non, on nous a raccroché au nez. Ah non, mais j'ai été très très mal reçu, Julien. Je les ai appelés plus d'une fois pour me rapprocher aussi du centre social à travers la mairie, pour avoir des informations, parce qu'on pensait bien que ça devait avancer leur côté. Mais personne ne voulait communiquer, ça a été très officiel. Je vous avais fait écouter un son que j'avais enregistré, dans lequel on nous disait effectivement, nous n'avons pas le droit de communiquer avec les équipes de Julien Courbet. Bah écoutez, en tout cas aujourd'hui, ils reçoivent, ils envoient une lettre et je les remercie, parce que ce qui compte, ce n'est pas la guerre des égos, ce qui compte, c'est le résultat. Alors il nous dit, je ne peux pas tout lire parce qu'elle est très longue, mais j'essaie de donner les points les plus importants. Malgré les aides financières versées par notre CCAS, l'intéressé s'est trouvé en situation de dette vis-à-vis du fournisseur Engie. Donc il devait de l'argent, ça on le savait, mais ça nous est confirmé. Au mois d'août, sur notre demande, lors d'un des rendez-vous et prise de contact à ce sujet avec le fournisseur d'énergie, Engie a accepté de rétablir l'électricité en contrepartie du versement de 20% du montant de la dette par ce monsieur, monsieur Mascarel, soit 220 euros, et de la signature d'un engagement à une mensualisation de sa consommation, soit 110 euros, auxquels s'ajoutent les 70 euros de remboursement du solde de la dette. La structure des revenus de l'intéressé devait lui permettre de s'acquitter de cet accord de paiement, mais il a catégoriquement refusé cette solution, malgré notamment les 400 euros du CCAS des Lilas et les 200 euros du Fonds Social Européen qui étaient proposés en secours. Alors, on va pas se mentir, je pense de toute façon que la personne en question qui nous a appelé, je pense, est un peu larguée, a besoin d'aide et a besoin d'être... Manuel, vous voulez dire, a besoin d'être aidé parce qu'il comprend plus tout très bien et c'est pour ça qu'il a dit non, machin, etc. Alors, la mairie nous dit, et on les croit, nous on a fait tout ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, ils nous disent que compte tenu de cette situation dramatique et afin de la débloquer, la ville des Lilas a décidé à l'issue de la réunion du CCAS d'avant-hier de se substituer à l'intéressé et à sa famille par secours exceptionnel pour le paiement de l'intégralité de la dette auprès d'Engie. Donc on remercie la mairie des Lilas et on leur dit simplement, la prochaine fois on se parle, tout le monde sort grandi par cette histoire, bravo. Et je vais lire quand même la dernière phrase parce que je suppose que s'il l'a écrit, c'était aussi pour qu'on la lise. Nous espérons que vous saurez faire bon usage de cet exposé de la réalité des faits, au-delà de la quête d'audimat et du sensationnalisme de certaines émissions du paysage audiovisuel. Toc, prends ça dans les dents fourmées. Le directeur général des services, Thomas Bocquillon. Eh bien, monsieur, vous voyez, je lis, ça ne me pose aucun problème. Si vous prenez ça pour du sensationnalisme et de la quête d'audimat, prenez-le comme ça. Mais en attendant, avant que je vous appelle, il n'avait pas l'électricité et le gaz, et maintenant que j'ai fait du sensationnalisme, de l'audimat, et que je n'ai pensé qu'à ma gueule, et qu'à gagner de l'argent sur le dos des gens, il va avoir de l'eau et de l'électricité, et ça, ça me suffit à me regarder dans la glace ce soir. Nathalie Pellonneau. Là, ce que je voudrais dire aussi, c'est que visiblement, la situation de santé de ce de Manuel depuis le mois d'août se dégrade à vitesse grand V, puisque Manuel nous avait dit qu'il n'avait plus ses repas servis à domicile, or, c'est lui qui n'ouvre pas sa porte, et quand il accepte les repas, il les redistribue à ses voisins. Donc, il existe des mesures telles que la curatelle ou la tutelle pour venir en aide à ces gens qui sont désespérés, seuls et incapables de faire quoi que ce soit. Et je pense que le CCAS a tout à fait la possibilité, avec le médecin traitant, de prendre les mesures pour protéger. Nous-mêmes, on va se permettre en antenne d'appeler le docteur en lui disant voilà, le problème est résolu, mais maintenant faites en sorte que ce monsieur soit aidé, parce que s'il n'ouvre pas la porte, parce qu'il est un peu, voilà, vous imaginez physiquement en plus tout ce qu'il vit, il faut l'aider, ça c'est une obligation. Bon, tant mieux. Alors rapidement, Sarah ? Non, je tenais juste à remercier tous nos auditeurs qui s'étaient vraiment mobilisés en off pour Manuel. Merci à tous. Et merci à la mairie des Lilas, merci au ministère des Affaires Sociales. Mais encore une fois, si on en est arrivé à ce niveau d'énervement, c'est parce que quand on a appelé pour avoir des explications, voilà ce qu'on nous avait dit. Le dossier est en cours de traitement, mais pour le moment, non, c'est en cours. Une réunion qui est prévue, c'est un dossier qui est en cours. Mais bon, je peux pas vous dire plus que ça. Faut nous dire ce qui va se passer. Oui, sauf que moi, les ordres qu'on a reçus, c'est de vous dire que c'est en cours. Je vous dis, voilà ce que l'on m'a dit de vous dire. Mais pourquoi vous pouvez pas communiquer avec moi, vu qu'on travaille dans la même direction? Je peux pas vous dire plus. Voilà. C'est un dossier qui est en cours de traitement. Bon, en gros, vous avez pas le droit de communiquer avec des membres de l'équipe de Julien Courbet, c'est ça, en fait. Voilà. Bon, on peut communiquer par lettre. Le seul problème, c'est que c'est deux pages et on a coupé un petit morceau d'arbre hein, pour les fabriquer ces deux pages. Il y avait l'encre en couleur en plus du logo de la vieille. Alors qu'au téléphone, ça serait super. Mais je ne leur en veux pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux et ils n'ont pas à parler à une radio s'ils n'ont pas envie. On n'est pas là pour leur dicter leur conduite. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Il y a un monsieur qui va avoir qui est malade, qui va avoir de l'électricité et du gaz, grâce en grande partie à la mairie des Lilas. Donc je leur dis bravo, c'est à eux que l'on doit ça. Bravo à vous. Le jeu pour vous récompenser, eh bien alors l'ordinateur, on le fait cadeau, on ne le fait pas cadeau. Il est grand temps de le donner maintenant, ce MacBook Pro. Vous avez téléphoné au 3210, j'espère que vous avez fait le 2 et encore le 2, ou le SMS RTL au 74900. Et voilà ce que vous allez gagner. Un dernier ordinateur est à gagner demain, je le précise. Ça sonne normalement chez la gagnante ou le gagnant. Allô ? Allô ? Allô ? Ça sonne pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je ne sais pas, pourtant j'ai lancé l'appel Julien, je retente très vite sur une autre piste. Et demain matin, on refait quand t'es dans le Bézère. Hein. Ah oui, parce qu'ils nous ont toujours pas répondu, la société Bézère. Ça, c'est pour dire Bézère. Non. Mais si, non, non, je vous attendez, connais. Depuis mars, la machine. Oh. Il y a Bézère et Crédit Mutuel demain en ouverture d'émission. Allô? Allô? Oui. C'est Béline? Oui. L'amour est dans le pré. Bonjour Julien. Non, mais l'amour est dans le pré. Tu veux te marier avec moi? Oui, oui, d'accord. À la grange. Bon, alors Béline, vous nous appelez d'où? Du Finistère. Bon, alors parlez-moi et ne me mentez pas, Béline. D'accord. Dans quel état est votre ordinateur? Mon ordinateur, il est au bout du bout du bout. C'est vrai? Ah oui, oui, il est complètement usé et je sauvegarde au maximum parce que je sais qu'il va me lâcher. Bon, eh bien, il y a un neuf qui arrive, un MacBook Pro d'une valeur de 1 300 €, le fameux 13 pouces qui arrive chez vous dans le Finistère, ma chère Béline. Génial. Merci. Vous faites un énorme bisou. Pardon? À bientôt. Je vous fais un énorme bisou. Moi aussi. À bientôt. Et merci encore. Merci à tonton Georges qui nous a fait gagner ce cadeau sur RTL. On en remet en jeu demain à 9h30. RTL. Qu'est-ce que le bonheur? L'univers a-t-il un commencement? Juillet ou août? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 €. Avec moteur PureTech, climatisation et radio CDMP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. 3 000 €? C'est moins. 2 000 €? Moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois Cash, votre cuisine est là à partir de 1 690 €. Cash. Cuisine est là. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Sucré, tendre, passionné, profond, voire même volé, c'est tout un art, un beau baiser. Un baiser est-il aussi important qu'une relation sexuelle? Travaux pratiques cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. La suite de tous les dossiers du jour demain matin, plus des nouveaux bien sûr. Monsieur Bern, m'entendez-vous? Oui, bonjour Monsieur Courbet, tout va bien? Écoutez, je suis installé, j'ai attaché ma ceinture, on va recevoir Barbara Schulz et Pascal Elbé. C'est l'éveil du chameau. Eh bien, on va écouter ça. Eh oui, parce que le chameau blatère. Ben, je sais bien. Comme, et moi, je déblatère. Comme Sepp, l'ancien directeur de la FIFA. Exactement, Sepp Blatter. Absolument. Bonne bravo. Journée, je vous en prie. Bravo. Elle est gratuite. On sent l'homme de spectacle, là. Hein. Moi, je m'incline. Foutez-vous de moi, en plus. Merci, mon Stéphane. Bonne émission. Bonne journée, Julien. À demain matin, 9h30. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 11h. L'information sur RTL, c'est avec vous Marie Guerrier, rebonjour. Rebonjour Julien, bonjour à tous. 799 000 bébés sont nés en France en 2015. 20 000 de moins que l'année précédente, c'est une baisse de 2,4%. Le nombre de naissances a retrouvé son niveau des années 2000-2003. Alors l'INSEE, l'Institut de la Statistique, affine ses chiffres et constate que 5% de ces nouveau-nés de 2015 ont des mamans âgées de 40 ans ou plus. 1 sur 20, donc c'est un chiffre en augmentation. Le gouvernement veut financer les régions avec une part de la TVA. Le Premier ministre Manuel Valls vient de l'annoncer. La dotation globale de l'État pour financer les actions économiques régionales sera remplacée à compter de 2018 par un transfert donc d'une fraction de TVA dans la limite de 450 millions d'euros. Le gouvernement qui ne compte pas revaloriser les retraites, alors les syndicats appellent les retraités à descendre dans la rue aujourd'hui, des manifestations prévues dans toute la France pour dénoncer le gel des pensions et la baisse du pouvoir d'achat des retraités. RTL vous pose la question. Comprenez-vous la colère des retraités? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez bien sûr en discuter avec Christelle Rebière et Vincent Parisot dans RTL Midi en appelant le 3210. Mouvement de protestation des gardiens de prison aujourd'hui. Ils ont bloqué les accès à de nombreux établissements pénitentiaires aux premières heures de la matinée, parfois en enflammant des palettes ou des pneus. Les gardiens dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, dégradation de la sécurité dans les prisons. Ils demandent des effectifs supplémentaires et des fouilles supplémentaires des prisonniers. À Jérusalem, des milliers d'Israéliens ont commencé ce matin à défiler devant le cercueil de Shimon Peres, recouvert du drapeau frappé de l'étoile de David. Recueillement sur le parvis du Parlement pour un ultime hommage au dernier de la génération des pères fondateurs d'Israël. Ce défilé va se poursuivre jusqu'à 21h ce soir et demain, les funérailles de Shimon Peres, ancien Premier ministre, ancien président, seront célébrées en présence de dizaines de dirigeants étrangers. François Hollande et Nicolas Sarkozy voyageront ensemble dans un avion affrété par la République française. François Hollande qui est ce matin à Dammartin en Gouëlle. Le président inaugure les nouveaux locaux de l'imprimerie dévastée par l'assaut du GIGN contre les tueurs de Charlie Hebdo en janvier 2015. François Hollande va remettre la Légion d'honneur à l'imprimeur et à son employé et il va prononcer un discours sur la lutte contre le terrorisme. La Martinique est en alerte rouge à cause de la tempête tropicale Matthew. La préfecture demande de limiter au strict minimum les déplacements. Les routes sont difficilement praticables à cause de la pluie violente, mais aussi des chutes d'arbres et de câbles électriques. La météo du jour en métropole, c'est pas terrible sur le nord-ouest. Beaucoup de grisailles, quelques averses possibles. En revanche, le soleil s'impose sur les autres régions et les températures vont grimper cet après-midi. Sur la moitié sud, on attend entre 26 et 30 degrés, localement 31 même dans le sud-ouest. Il va faire 22 à 27 degrés sur la moitié nord. Et le plus frais, bien, ce sera près de la Manche, sous les nuages, de 18 à 21 degrés. Les courses à Compiègne cet après-midi, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 7, le 14, le 10, le 8, le 16, le 6, l'As et le 11. La dernière minute de Bernard, c'est l'As, Bohemian Rhapsody. Il est 11h03, vous êtes sur RTL à la bonne heure avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, et nous retrouverons évidemment Marie Guéry à midi pour faire un point sur l'actualité. Et nous plongeons tout de suite dans la bonne heure avec deux invités que nous adorons. C'est Barbara Schulz et Pascal Elbé. Merci d'être avec nous. Je vais vous présenter dans un instant, mais d'abord un rapide tour de table pour vous montrer qui sont vos interlocuteurs du jour. Comme tous les jeudis, il fait chauffer sa guitare pour chanter une chanson à la gloire de nos invités. Juste après le journal de midi, Oldelaf. Bonjour Oldelaf. Salut à tous, ravi d'être là. À la une, tout ce que vous apprendriez si vous lisiez la presse People, mais c'est pas nécessaire. Il y a Édouard Dutour qui le fait pour nous. Bonjour à bonjour tous. Édouard. Bonjour. Vous avez lu quoi? J'ai tout lu comme d'habitude, Stéphane, on parlera de vous. Ah bon? Mais bien, c'est parce que vous êtes une star. Mais non. Non, on est là pour parler des invités, pas de moi. Régis Maillot est avec nous, bonjour. Bonjour. Un zapping stupéfiant. C'est bonjour. Ce que nous promet Eric Dussard. Eh oui. Bonjour, bonjour à tous. Stupéfiant, bonjour. C'est le nom de l'émission culturelle de France 2. Il y avait Alain Delon qui était stupéfiant. Ouais. Et il va très bien, il vous en remercie. On entendra ça tout vous à l'heure. Vous avez tout compris. Pas tout, non. Mais un petit peu. Et puis un petit Charles Navour. Et puis stupéfiante également, l'histoire de cette femme dans C'est ton programme chez Sophie Davant. Une femme déclarée morte. Alors qu'elle va très bien en réalité. Et elle a le plus grand mal du monde à prouver aux gens qu'elle est toujours vivante. Ah oui, c'est compliqué. C'est mieux que le contraire.